J'ai négligemment posé la dépille, puis une main l'a brutalement empoignée. Une main qui venait de poser son verre, alors qu'il somnolait encore à moitié. Moi, t'es nerveuse, elle était cette main. D'abord, elle secoua comme une vieille branche, alors qu'il ne demandait rien. Elle plaqua sa mine sur une feuille toute blanche. Ce matin, pas le choix. Il fallait assurer, il devait décider l'état de l'être. Pour des mots de choix. Bien peser, mesurer, mission toute une émotion à transmettre. Parfois il avait droit à une pause, la main le portait à des lèvres pour y être sucé. Et il en repartait plus fort pour la bonne cause, même s'il sentait sa mine faible, fatalement vite s'user. Taillé tout neuf à plusieurs reprises, il subissait tous les caprices de cette main. Elle qui décidait de piquer sa crise, sans lui quoi d'autre aurait-elle fait cette main? Pourtant il savait en douce qui était là ce jour, à qui était celle que le mal menait. Une femme pourtant si douce, mais prise d'amour, pas si simple à ce qu'il y comprenait. Fallait assurer, il devait dessiner des tas de lettres pour des mots de choix. Bien peser, mesurer, mission toute une émotion à transmettre. Ce matin, pas le choix. Il devait dessiner des tas de lettres. À transmettre.